Mande gay passé. Pim pom. C'est pim pom. Pim pom. La rifle beau. Pim pom. Yo café karaté. Pim pom. Yo café judo. Pim pom. Répondez pim pom. Pim pom. Répondez pim pom. Pim pom. Répondez pim pom. Pim pom. Yo café judo. Pim pom. Pas de moyen passé. Pim pom. En toute la voie de l'eau. Pim pom. Tout le monde a tremblé. Pim pom. Tout le monde a tremblé. Pim pom. Avec sa face judo. Pim pom. Avec karaté. Pim pom. Tout le monde a tremblé. Pim pom. Chinois à l'arrivée. Pim pom. Sentimos.